Audiomatic. pour amorcer la transmission 383 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet belge Akamasots, mené par Herman Klapols. Nous entendions la pièce Zeal, qui est extraite de son plus récent album Burning Souls, Bran den de Zielen, paru le 4 février dernier. Et sans tarder, on poursuit avec la collaboration entre les artistes Irmin Schmidt et Bruno Spoeri. Thank you. in all mein Kopf, wenn all dein Recuerdo de mi vida, el dolor, con su garra envenenada va. Y seguir es mi destino, desde que te vi como una ilusión que surgiste en mi camino. Y seguir es mi destino, desde que te vi como una ilusión que surgiste en mi camino. Desde entonces vivo soñando mirarme en esos ojazos soles de pasión. Y aunque es imposible poder adorarte porque está en cenizas ya mi corazón, y además tan lejos te ve mi dolor como una silueta de nube intangible que no hay en mi pecho ni placer ni dolor. Al fin, si te vas, mi bien, me dejas a solas con mi gran dolor. Por eso me oculto espero llorando de amor. Al fin, sin tu amor desesperado he de morir. À Audiomatic, cette séquence se terminait sur la musique de la formation Slow Dive, de qui nous entendions la pièce de Sad Man apparaissant sur le premier album intitulé Just for a Day, qui a été publié en 1991. Avant Slow Dive, nous écoutions le duo équatorien Benitez y Valencia, qui nous livrait la pièce Desesperación, composée par Francisco Villacres Falconi. Cette pièce apparaît notamment sur la compilation de Paths of Pain, qui reprend des artistes ayant été répertoriés dans les années 60 par l'étiquette de disque Compañía Anónima Industrial Fonográfica Ecuatoriana. Et avant cela, en début de séquence, nous écoutions la pièce de Seven Game Ring of Smile Reversed, qui est issue de la collaboration entre Irmin Schmidt, un des membres fondateurs de la formation Cannes, et le saxophoniste et compositeur Bruno Spoerry. Cette collaboration entre Irmin Schmidt et Bruno Spoerry prend forme au long de l'album Toy Planet, paru en 1981. Pour la suite d'Audiomatic, voici l'artiste berlinois Patrick Catani. This is my boss, Jonathan Hahn, a self-made millionaire. He's quite a guy. This is Mrs. H. She's gorgeous. She's one lady who knows how to take care of herself. By the way, my name is Max. I take care of both of them, which ain't easy. Because when they met, it was mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, Come on, let's beat the Audiomatique. Il s'agissait du groupe californien Battery et sa composition Never Left, qui est parue sur son quatrième et dernier album intitulé Aftermath, lancé en 1998. Tout juste avant, on avait droit à l'artiste anglais James Ruskin de son troisième album intitulé Into Submission et sorti en 2001, nous entendions la pièce Against Your Will. Et pour débuter, nous avions droit à l'artiste allemand Patrick Catani avec sa composition Are You DJ, extraite de son deuxième album studio 100 DPS, paru en 1998. Audiomatics poursuit maintenant sur la musique du projet El Lado Negro de l'artiste Roberto Carlos Lange. Salve. the fate to love, and I need you so much. I need you. Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre la formation montréalaise Soons et la pièce de Fix apparaissant sur leur plus récent album The Witness, paru en 2021. Avant Soons, c'était le projet Essex de la chanteuse Britt Rommel, qui se produit aussi sous le pseudonyme de Sarah Knox. Donc, de son projet Essex, nous écoutions la pièce Fatal Love dans une version remixée par le groupe Fine Flug et qui se retrouve sur l'album double Bridges, sorti en 2007. Et on amorçait la séquence avec le projet Illado Negro et sa pièce Mi Mano, tirée de l'album Private Energy, publié en 2016. En conclusion de cette transmission 383 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique du projet américain Single Cell Orchestra, mené par Miguel Angelo Fierro. Nous entendrons la pièce Coup de Buzz de son deuxième album, qui est homonyme et qui est sorti en 1996. Les sonoristes espèrent poursuivre leur série de transmissions sonores avec celle qui portera le numéro 384 lors de sa diffusion mercredi prochain dès 17h. D'ici là, il est toujours possible d'accéder aux transmissions précédentes moyennant une visite sur nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici Single Cell Orchestra et la pièce Coup de Buzz. C'était Audiomatique avec les sonoristes.